L'ambassade des Pokajou en France et le ministère de Culture de Pokajou présentent Radio Pokajou International. 15 minutes de voyage radiophonique à travers le Pokajou. Un programme diffusé depuis Jukapo, capitale de l'île, grâce à l'énergie produite par 300 écureuils qui courent sans cesse au cœur du Palais Royal. Bonjour, messieurs, dames, soyez les bienvenus. Vous entendez la radio Pokajou internationale. Je suis Mélissa Suarez del Real, comme d'habitude, très content de vous accueillir dans ce nouvel épisode de la radio Pokajou. Dans cette émission, on parle, comme vous le savez déjà peut-être, on parle pas mal de fois sur la radio, sur la grande tradition de créateurs qui se consacrent à l'audio, au son, mais aussi à toutes les raisons qui font du peuple pokajoutien l'un des plus accrochés à tous les genres radiophoniques. Mais malheureusement, l'intérêt du public international, ou au moins la gestion de cet intérêt ou des émissions provenantes du pokajou, reste encore très faible et on dirait même discret par rapport à l'énorme production radiophonique de notre île que, comme on l'a déjà dit pas mal de fois dans cette émission, c'est les pays les plus productifs à niveau sonore du monde. En moyenne, chaque personne écoute la radio pendant 5 heures journalières, soit des émissions musicales, documentaires, scientifiques ou littéraires. Les plus de 350 émissions produites par la chaîne nationale, c'est-à-dire la PKGU, sont écoutées, téléchargées et réécoutées par les différents membres de la société pokajoutienne. Il existe même des émissions consacrées à la critique, à la sélection et à la valorisation des différentes émissions. Et les ingénieurs pokajoutiens ont même créé une nouvelle bande appelée Propagation Modulée qui sert uniquement à transmettre les centaines d'émissions locales sans jamais étouffer le cadran radiophonique qui serait autrement épuisé. Il faut dire que ces ingénieurs ont beaucoup travaillé pour développer cette bande et cela reste même de nos jours un développement qui, dont les pokajoutiens sont vraiment très fiers. Selon certains spécialistes, le fait que le pokajou soit l'un des lieux les plus isolés du monde a peut-être un rapport direct avec le fait que les pokajoutiens soient les grands enthousiastes de la radio qu'ils sont. Selon l'étude publiée par l'équipe de la Dr Piera Di Matteo dans le journal scientifique Pokajou Science, les pokajoutiens sont ceux qui souffrent moins de surdité au monde et à la fois, ils conservent une sensibilité auditive beaucoup plus importante que celle présente chez des individus venus d'ailleurs. Et donc des individus qui ont souffert, pendant la plupart de sa vie, d'une grande exposition au bruit et aux nuisances sonores. Justement, on va vous proposer un morceau composé par le producteur français Débrouille. Ce s'appelle K.O. Double. We'll be right back. vient d'entendre des bruits avec K.O. debout. Cette grande sensibilité sonore et auditive, selon la thèse de la docteure du Matteo dont on vient de parler, est un grand parti responsable du goût des pocajoutiens, ou dit autrement, le manque de sensibilité ou des pertes auditives empêche le reste de personnes d'aimer la radio autant que les pocajoutiens. Il est possible que ce phénomène soit directement relié au fait que depuis l'année 1950, il existe une loi assez restrictive face aux nuisances sonores à Pocajou. D'ailleurs, très peu d'avions et de voitures font leur parcours de façon normale à Pocajou, et donc l'atmosphère sonore du pays, on pourrait dire qu'elle est presque vierge. Ce qu'on vient d'écouter, justement, s'appelle K.O. debout. Ceci a été composé par le producteur français des bruits, qui prend justement son nom du choc qu'il a eu quand il est arrivé pour la première fois à Pocajou, et il s'est rendu compte de la grande quantité de bruit à laquelle il était habitué. Cependant, pas tout le monde pense comme la docteure Di Matteo. En fait, Tadeo Kelech, anthropologue de l'Académie des sciences sociales de Pocajou, a une théorie très différente pour expliquer ce phénomène. Selon lui, à Pocajou, la tradition orale n'est jamais disparue, au contraire de ce qui s'est passé dans d'autres pays et régions. Les arbres avec des grandes quantités de cellulose dans la pulpe sont très rares à Pocajou. Et même s'il existait depuis des centaines d'années, pas mal de créations littéraires, d'histoires, d'héros locaux, des batailles gagnées ou perdues, ont dû être transmises en tant qu'histoire orale. Ceci a créé une tradition, comme je viens de dire, une tradition orale très vivante, encore aujourd'hui. Même à l'époque d'Internet, des téléphones portables, les enfants à l'école font toujours des examens d'histoire et de pas mal d'autres matières à l'oral. Et les personnes qui ont un timbre vocal beau ou considéré comme beau ou agréable reçoivent encore aujourd'hui des bourses de l'État assez importantes pour qu'ils deviennent des enseignantes, parce que sa voix est considérée comme un bien qui appartient d'une certaine façon au peuple pocajoutien. Parmi eux, la plus célèbre des professeurs pocajoutiens, Shara Worthen, membre fondateur de My Brightest Diamond, qui était en fait professeur d'acoustique à l'Université Polytechnique de Pocajou, et qui explique dans son morceau Pressure qu'on va entendre tout de suite quelques fondements de son, d'audio, et de la façon de travailler des ondes et des vibrations sonores. Move out, out, out. I tried to do it just make it dance. So wild, I cannot tame. So shiny, I cannot name. All of this precious, make it diamonds. Disperse the white light. Pink, purple, green, red, yellow, blue. I am in that mood, indigo. Pink, purple, green, red, yellow, blue. I am in that mood for diamonds. So bright, I cannot hide. So heavy, I cannot mine. All of this precious, make it diamonds. So wild, I cannot tame. So shiny, I cannot name. All of this precious, make it diamonds. Disperse the white light. Comme vous pouvez l'imaginer, toutes sortes d'émissions existent à Pocajou. Aujourd'hui, on ne va pas donner autant de détails et on va juste citer quelques-unes pour que vous puissiez vous faire une idée de la richesse du cadran radiophonique de l'île. Parmi les séries les plus anciennes, on trouve une version pocajoutienne de la série américaine Dallas, mais adaptée à la réalité pocajoutienne. En fait, au lieu de se centrer dans le monde du pétrole et de l'argent, traite surtout le sujet de l'extraction de diamants. Cette version pocajoutienne continue d'être diffusée depuis les années 80. Aussi, il existe une version de Star Academy consacrée seulement aux présentateurs radio. Dans cette émission, les participants doivent présenter, raconter ou décrire plusieurs choses et les juges et le public jugent la voix des participants et sa capacité de transmettre avec elle. Pour les plus sensibles, il est aussi possible d'écouter une chaîne consacrée jour et nuit à la poésie. Des poètes anciens, modernes et des concours de poésie se déroulent chaque jour. Et le public pocajoutien est justement, cette semaine, en train d'atteindre la grande finale où deux jeunes poètes doivent écrire une poésie avec un sujet donné. Pour le premier, il s'agit du sujet « Le lit ». Et pour le deuxième, le sujet est la pelouse. Lundi matin, on aura un gagnant. Il est aussi possible de suivre des cours de danse, des cours de musique, d'initiation à l'écoute musicale, à la méditation ou même au bricolage. Tous les sujets sont traités et écoutés avec autant d'intérêt et les Pocajoutiens téléchargent plus de 40 podcasts par semaine. Étant en fait le peuple le plus radiophonique du monde. Il existe aussi une série de religions en fait, qui propose justement un culte qui peut se faire ou se suivre de façon radiophonique à distance. Je vais vous laisser en fait, avec un exemple de ceci. Cette chanson qu'on va entendre s'appelle « Talk to God » ou « Parlez-vous avec Dieu ». C'est un morceau du groupe Goats de son dernier album Commune. Avant de vous quitter, je voulais juste vous rappeler qu'on va continuer à la Radio Pocajou International à faire une série d'émissions consacrées aux autres émissions radio qu'on peut entendre à la Radio Pocajou dans les chaînes locales de Pocajou. Je vous remercie énormément de nous avoir suivis. Je vous dis à bientôt et passez un bon week-end. Au revoir.